Si tu me vois un jour astiquer mes souvenirs, parce que je n'aurai plus briller mon avenir. Si je refais plus le monde à chaque fois que je bois, plus de morale d'acier dans mes gueules de bois. Tue-moi. Quand tu commenceras à compter les jours qui séparent les fois où je te fais l'amour, si tu me surprends à fermer les fenêtres parce que le bruit des gosses me monte à la tête, tue-moi. Tu me tueras si tu t'en vas. Simplement si tu t'en vas. Si tu me vois avoir honte de mes anciens copains, si je serre les fesses plus fort que les poings, si je deviens nouveau con et ancien battant, si je me révolte plus contre deux calmants, tue-moi. Si un jour tu vois que je m'économise, si j'ai peur d'avoir froid quand je donne ma chemise, si tu m'admires plus parce que j'ai peur de te perdre, si t'as plus pour moi que cette tendresse de merde, tue-moi. Tu me tueras si tu t'en vas. Tout connement si tu t'en vas. Qu'est-ce qui te prend? Où tu vas? Qu'est-ce qui te prend?